Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Manu Vandamme. Oui, merci beaucoup Sofiane. Merci à toi. C'était il y a pas très longtemps, au mois de septembre, je jouais mon show qui dure 1h15. Et au début, j'avais un peu peur parce que la console lumière faisait des courts-circuits. Ouais. Et au moment où je dois rentrer sur scène, ça s'allume pas. Rien. Le noir total. Le classique quoi. Et je me dis bon bah c'est la première fois que ça m'arrive. Le spectacle s'appelle Veuillez consulter. Ouais. Je me dis c'est maintenant que je sors mes tripes. Ouais. Et je dis vous venez consulter pour la peur du noir. Bien joué. Ah, bien rattrapé. Quelques rires. Ouais. Et quelqu'un m'a dit après, mais vous l'aviez répété ça. Oui, voilà. tu as tellement bien rattrapé ton coup que les gens se disaient que c'était calculé. Ils ont cru que c'était calculé. D'accord. Alors, c'est une petite fierté, mais il y a eu... autant je stressais normalement. Mm-hmm. Et quand j'ai vu que je ne voyais rien, je me suis dit, c'est maintenant que tu dois trouver l'idée... Que tu sais même pas d'où elle va venir. Mais en fait, c'est ça, c'est l'adrénaline dans ton cerveau en fait qui fait que tu vas sortir des sentiers battus pour aller trouver quelque chose, pour te rattacher à quoi que ce soit juste pour sauver des apparences. Et franchement, tu les as sauvées. Hein. Ça m'a surpris moi-même. Ah ben bravo. Je suis pas un caïd dans l'impro. C'est en venu fait, tout seul. Mais t'as été en mode survie, tout simplement. Survie, ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça s'est quand même bien passé au final le spectacle. Plutôt bien. Cool. Ouais. Bon, c'est le plus important. Une grosse marge de progression. Non, mais ça va. On en a tous une. Et donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Surtout sur Facebook. Oui. Manu Vandamme, tout simplement. Donc Vandamme en deux mots. Alors Vandamme en un seul, Vendamme. D'accord. Et pareil sur Instagram. Ok, pas de souci. Bon, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.